Alors, bienvenue à toutes et à tous pour ce 16e épisode de Knack en Vrac. Knack, c'est moi et je pars à la découverte de tous les sujets intéressants en lien avec l'Alsace et ses habitants. Donc, pour cet épisode, j'ai l'honneur de tendre le micro à Jules Ripstein, qui est paratriathlète pro. Il est nouveau champion de France 2020, actuel champion d'Europe et champion du monde en titre. Et j'ai aussi aperçu que tu étais le numéro 1 au classement mondial. Donc ça va carrément mettre la pression pour le prochain invité. Hein. Oui, désolé pour lui. Hein. Bonjour à tous, bonsoir. Et comment tu vas, Jules ? Ben, ça va très très bien. Merci d'être venu. C'est sympa de me faire l'honneur de parler un petit peu du paratriathlon et puis de moi accessoirement. Alors Jules, on s'est rencontrés pour la première fois à Souls pour fêter l'anniversaire de Pauline. Donc Pauline qui est une amie que nous avons en commun. On a passé une très bonne soirée et j'ai gardé vraiment un bon souvenir de toi. À l'époque, tu étais sur deux pattes. Tu étais étudiant en STAPS et tu faisais quelques podiums régionaux avec le club de Molsheim, le Trimoval. Et on était même venu t'encourager en duathlon par équipe à Célestat. Et j'avais trouvé ce genre d'épreuve multisport vraiment sympa, quoi. Alors, pour les poivrots du PMU, on va dire que la catégorie handicapée, il n'y a personne, c'est facile et bien classé. Hein, et non, pas du tout. Donc, t'as fait un petit record du 5 km en 19 minutes 57. 45 même. 19h45, c'est actualisé. Je l'ai actualisé, c'était en stage à Vichy cet été, là, voilà, j'ai encore gagné 12 secondes. Voilà, alors pour les personnes qui courent pas, bah, sortez déjà au basket, parce que si on sprint, bah, c'est à peu près cette vitesse-là, hein, pour quelqu'un qui court pas, et sur 5 km, donc c'est juste impressionnant. C'est un tout petit peu plus que 15 km/h. 15,09, un truc comme ça. 0,8. Ouais, mais bon, faut quand même courir, on va dire, un peu plus rapidement pour vu qu'au début le démarrage t'es plus bas, donc pour avoir une moyenne. Moyenne de 15, faut courir plus vite que. Légèrement au départ et freiner à l'arrivée. Alors. Donc tes débuts au Trimoval, on va commencer un peu. Comment as-tu commencé le triathlon ? Alors, c'était en rentrant en seconde à la section sportive du lycée Henri Meck à Molsheim, où on m'a proposé, un ami de classe m'a proposé de venir avec lui faire du triathlon. Alors moi, le triathlon, je savais pas du tout ce que c'était, surtout à l'époque, hein, parce que là, ça fait 20 ans, en fait, bientôt, presque. Presque 20 ans. Ah bah ça fait, hein. Et donc il y a 20 ans, le triathlon c'était pas connu comme aujourd'hui. Aujourd'hui c'est encore confidentiel, mais à l'époque ça l'était beaucoup plus. Et je savais pas du tout ce que c'était. Et puis il m'a expliqué rapidement et je me suis dit, ah tiens, c'est sympa de faire trois trucs. Au moins quand on a marre d'un, tu peux faire l'autre. Et ainsi de suite. Et puis on a contacté le responsable de la section sportive qui était Jean-Claude Gast à l'époque, qui est retraité maintenant. Qui nous a mis en garde sur la difficulté de s'entraîner plusieurs fois par semaine et la rigueur dont on devait faire preuve. Et puis et ben, c'est là-bas aussi que j'ai rencontré Pauline, notre amie en commun. Voilà, et donc et tu as commencé en fait, on va dire, t'as fait quoi comme format quand on commence Alors en seconde, j'avais quoi, 15 ans, c'est ça à peu près. On est encore cadet, il me semble, et on fait que du triathlon sprint, format sprint ou alors découverte au tout début. Le format sprint c'est 750 mètres, 20 km à vélo et enfin 750 de natation, pardon, 20 km à vélo et 5 à pied. Et c'est le format que je fais actuellement aussi en paratriathlon. Et on peut faire des triathlons découvertes. La différence avec le sprint, c'est que le découverte, il y a juste 500 mètres de natation au lieu de 750. Et sinon, c'est aussi 20 km à vélo et 5 à pied. Mais ça permet aux gens qui ne savent pas très très bien nager de mieux appréhender la première partie, qui souvent rebute un petit peu. Parce que le vélo et la course à pied, on sait tous à peu près se débrouiller, mais la natation, ça peut paraître difficile de nager 750 mètres. Alors que 500, voilà, ça passe tout de suite un peu mieux. Et donc, c'est sur ces formats-là qu'on commence quand on est cadet. Voilà, et quel regard tu as sur ces années ? Alors, un regard, je sais pas moi, quel regard, un beau regard. Non. Est-ce que c'était des belles années ou ouais, pas? Ouais, carrément. Bah ouais, un beau regard, c'était des belles années. De toute façon, ces années-là, entre 15 et 20 ans, généralement, c'était des belles années. L'adolescence. Mais ouais, moi, je trouvais que c'était super chouette. De le groupe de copains, de s'entraîner ensemble, de rigoler ensemble, voilà, c'est... Moi, j'ai bien aimé. Ouais, parce que moi, à la même période, moi, j'ai fait du canoë à Célestat, donc... et oui, c'était moi. Donc, comment dire, j'ai aussi évolué dans ce milieu associatif avec un groupe de jeunes du même âge à évoluer et aller sur les courses régionales, nationales et faire les championnats de France. Et c'est des trucs qui étaient vraiment cool. Et en fait, on y apprenait quelque chose, un savoir-être. Enfin, moi, c'est vraiment quelque chose que j'ai retenu, c'est vraiment un savoir-être qu'on retient de cette période et qui, aujourd'hui, me marque toujours. Ouais, c'est une des écoles de la vie, parce que alors, l'école classique, hein, l'éducation nationale, elle ne fait pas tout. Et je pense que c'est bien, à côté de ça, de profiter d'une autre structure. Et souvent, c'est la structure associative, alors que ce soit dans le sport, dans la musique ou autre chose. C'est vrai que ça apprend quand même à vivre avec l'autre, à se dépasser avec l'autre, et ouais, c'est porteur de beaucoup de valeurs qui marquent à cet âge-là, parce que l'adolescence, c'est un âge où on est facilement marqué par les choses et qui forcément s'inscrivent et restent après, plus tard. Oui, parce que moi, c'était vraiment, c'est vraiment une période où j'ai appris à faire du sport, à se perfectionner, l'éveil aussi de ma conscience écolo, vu que c'était en canoë, hein, donc tout le temps en contact avec la rivière, avoir une hygiène de vie, tout simplement aussi, et le goût de l'effort qui, m'a pas quitté. Voilà, donc ça façonne la personnalité, quoi. Ah ben c'est sûr, c'est exactement ce que tu viens de dire. Et puis dans le triathlon aussi, il y a ce rapport à la nature, parce que c'est vraiment un sport de pleine nature. Donc ouais, ça c'est pas mal aussi, ce côté-là, d'éveiller la conscience du jeune adulte. Écolo. Ouais, parce que moi, j'ai jamais réussi ensuite à faire un sport en intérieur. Ouais, alors... Ah si, parce que bon, l'escalade de bloc, j'aimais bien en faire en salle, moi je trouvais ça rigolo. Mais ouais, après, bon, voilà, c'est chacun son truc. Mais... Donc ensuite, pour les études, t'es arrivé à Strasbourg, tu te lances en STAPS, dans quel but? Alors ça, j'en sais rien. Est-ce que c'était pour faire du sport? Est-ce que t'avais pour faire la fête? Ou est-ce que t'avais un projet pédagogique en tête ou un projet professionnel? C'est un peu j'avais pas de projet, c'est un peu le fil de ma vie, c'est que j'arrive jamais à avoir des projets à long terme et ou une vision à long terme, et à l'époque déjà c'était le cas, c'est-à-dire que je suis allé en STAPS parce que ça me permettait de continuer à faire du sport et que la fac c'était assez léger au niveau horaire, charge horaire, charge hebdomadaire d'études, voilà, donc... C'était un peu un choix par défaut, parce que j'avais envie de continuer à faire du triathlon, mais c'est vrai que je savais pas trop ce que j'allais en faire de cette licence. C'était, ouais, c'est un peu comme l'armée, où les jeunes ils vont pour faire du sport, quoi. Ouais. Alors, au printemps 2008, donc tu roules à moto et lors d'un dépassement... Attends, je te corrige, c'est en septembre. Ah, c'est en septembre 2008. Donc, tu roules à moto et lors d'un dépassement mal jaugé, en fait, tu te retrouves face à face avec une voiture et ta jambe est broyée dans la collision et tu es ensuite amputé juste au-dessus du genou gauche. Exactement. Alors, depuis cet accident, je suis carrément vacciné de la moto. Moi, pour moi, c'est bon. Merci. Tu en faisais? Tu roulais? Non. Non, non, j'en faisais pas, mais même la velléité, tu vois, non, ça a tout, ouais. Comment dire, quand j'étais, donc j'étais dans un collège à Markolsheim, donc c'est un collège dans le Ried, où il y a juste des nationales pour y accéder, donc pour y aller à vélo, c'est mort. Et c'est vrai que j'ai, on va dire, deux trois personnes de ma classe qui sont pas sorties du collège, tout simplement parce que ils sont morts, quoi. Donc sur des accidents de mobylette. Et c'était un peu la piqûre de rappel. Allez, la moto, c'est fini, hein. Alors, comment as-tu vécu ton hospitalisation et ta rééducation ? Mal, au début en tout cas, les premiers jours, les premières semaines. Après, il faut vite se rendre à l'évidence et se dire qu'on a déjà de la chance d'être vivant. Et puis, envisager la suite. Donc, quand à partir du moment où on envisage la suite, c'est qu'on a réussi à positiver. C'est qu'on a une forme d'espoir. Et donc là, hormis les premiers jours et les premières semaines qui étaient très difficiles, après la rééducation, ça allait bon an mal an avec des hauts et des bas, quoi. Mais c'est sûr que c'est pas évident, mais voilà, je l'ai bien vécu dans l'ensemble. Alors à 20 ans, on était jeunes, beaux et athlétiques, hein, et prêts à croquer la vie en écoutant Laurie, hein. Et est-ce que le regard des gens dans la rue a changé ? Oui, j'ai un tout petit peu plus de ventre que à l'époque, mais pas beaucoup. Pour revenir à la prothèse, oui, c'est évident. Avant, on te regarde pas forcément, et puis maintenant, on te regarde quasiment en 70%, 80% des cas. Même les adultes, pas forcément que les enfants. Et quel genre de regard porte-t-il ? C'est dérangeant ou Non, c'est pas dérangeant. C'est des regards d'étonnement souvent et de voilà de ouais d'étonnement de curiosité. Et comment dire ? Est-ce que la société t'accueille en fait ? Donc un nouvel handicapé, on va dire. Comment est-ce que ça se passe ? Waouh, ça c'est des questions. Comment la société t'accueille ? Est-ce que la société est bienveillante ou comment est-ce que... Plutôt, oui. Ben, alors, je sais pas, ça dépend. Là, on est en France, donc on est en France, on est en Alsace. On a de l'argent pour faire fonctionner quand même des centres de rééducation avec du personnel, des kinés, tous les soignants qu'il faut pour ça, hein. C'est vrai qu'au début on est cocooné, donc la société au début elle cocoon et elle prend soin de toi, quoi. Donc on peut dire que tu es bien accueilli dans le nouveau monde des handicapés, c'est sûr que ouais, ton état change, donc c'est un gros gros changement et il faut faire avec, mais c'est plutôt quand même positif la façon dont la société française t'accueille. Je sais pas comment ça se passe dans les autres pays, mais... D'accord. Et donc, bon, on a commencé cette interview par un sujet bien lourd. Hein. Donc, mais je n'ai pas l'intention de sortir les violons, hein, et en disant faire des caisses comme sur M6 et TF1. Mais quel message aimerais-tu faire passer à la population que tu croises dans la rue, qui peut-être ont des regards gênants pour toi ou pas ? Un message ? Non, pas forcément. Vraiment, j'ai pas d'envie de leçons par rapport à ça ou de donner de leçons tout ça aux gens. Juste, en fait, quand les gens se... Une fois que les gens ont vu ce que c'était, t'as une prothèse, voilà, bon bah t'as une prothèse, pourquoi ? Bon bah t'as une accident de moto, voilà, bon bah voilà, c'est réglé, quoi. Après les gens, ils savent le pourquoi du comment et ils se posent plus de questions. Franchement, je trouve que ça se passe très très bien dans l'ensemble et je peux pas jeter la pierre aux gens de ce côté-là, quoi. Alors, Popo, elle m'avait dit que tu étais un mec incroyable à ce moment-là, parce que vu de l'extérieur, en fait, donc nous, on était de l'extérieur, hein, et ce qu'elle nous disait, c'est que tu as géré cette période avec un calme exemplaire et une bonne dose d'autodérision. Ouais. Et comment as-tu vécu cette période en cercle restreint avec ton noyau dur ? Alors, vu de l'extérieur, c'est ça. Vu de l'extérieur, on peut croire que c'était assez facile, que c'était géré avec beaucoup, beaucoup de facilité. Mais un accident comme ça, c'est jamais anodin. Et en fait, je pense que l'autodérision, c'était une manière aussi de s'évader et de se sortir de la condition un petit peu malheureuse de l'accident. Et de toute façon, si tu positives pas, ben t'avances pas. Donc en fait, si tu veux avancer, t'es obligé d'avoir un regard positif sur ce qui t'arrive. Ok. Et est-ce que à ce moment-là, est-ce que t'as vu ou rencontré des personnes qui se sont révélées comme des exemples à suivre pour toi? Ouais. Beaucoup d'inspiration, beaucoup de personnes inspirantes. Je pense aux prothésistes du centre Clémenceau, aux kinés qui étaient vraiment qui avaient envie que je réussisse autant que moi j'avais envie de réussir, et qui étaient inspirantes pour ça, pour cette passion qu'ils avaient à essayer d'aider les gens à s'en sortir. Et puis mes amis aussi qui m'inspiraient par leur bienveillance, justement. Et puis après, plus tard, des sportifs handicapés, hein, auxquels je me suis intéressé mécaniquement, on va dire, hein, de façon mécanique, puisque moi je faisais du sport et j'avais peut-être un jour envie d'en refaire. Donc tous ces gens-là, ouais, m'ont inspiré. Et il a fallu remettre un peu tous tes plans à plat pour rebondir rapidement vers une autre trajectoire. Donc, comme ce que tu as dit, c'était en septembre, donc t'étais sur la rentrée, quoi. Comment as-tu vécu ces moments? Ah oui, c'est vrai que c'était la rentrée de la troisième année. Et je ne sais pas si j'avais repiqué cette année, non. Alors justement... je sais plus. Non, je l'avais pas repiqué. Oui. Donc j'allais en troisième année et en fait, je suis allé à l'hôpital à la place de rentrer en troisième année. Donc j'ai essayé de finir ma licence STAPS à l'hôpital et ça a pas marché parce que j'étais pas loin de 10 de moyenne. Il fallait 10 de moyenne. J'avais 9,80 ou 9,70, quelque chose de ce genre-là. Et j'en veux un peu à l'université de Strasbourg et Jean-Luc Doyon, le doyen de l'époque de la fac, qui a fait aucun effort pour me donner ma licence, voilà, alors que j'étais fraîchement amputé et à l'hôpital. Et donc je l'ai pas eu, ma licence, voilà. Alors quelle orientation as-tu choisi ensuite? Alors j'ai découvert le métier, comme je vous disais, ces personnes qui m'inspiraient un petit peu à l'époque. Enfin, comme je te disais, mais vous, pour les gens qui nous écoutent, j'espère qu'il y en a beaucoup. Ouais, regarde, il y a Pauline juste en face de toi. Elle t'a fait un grand sourire. Et qu'est-ce que je disais? Je disais que oui, ces personnes inspirantes, c'était les orthoprothésistes aussi, j'en parlais tout à l'heure. Et du coup, m'ont donné aussi envie de faire ce métier, en tout cas de m'y intéresser. De m'intéresser à ce métier, à ce qu'il faisait, et voilà, moi je suis curieux, donc j'avais envie d'en savoir un peu plus sur ce truc-là, quoi. Comment on fait des prothèses, comment on fait de l'appareillage, comment on aide les gens avec des machines, voilà. Et donc je suis parti faire le BTS. Et donc t'es parti à Valence, c'est ça? À Valence, dans la Drôme, parce qu'il y avait deux écoles à l'époque, il y avait Paris et Valence. Dans cette formation de BTS, est-ce que tu... avais-tu des camarades qui étaient appareillés ou tu étais le seul? Non, j'étais le seul. C'est des très petites formations, très petits effectifs. Il y a deux écoles, je vous disais tout à l'heure. Enfin, il y avait deux écoles à l'époque. Aujourd'hui, il y en a un peu plus. Je crois qu'il y en a une ou deux qui sont créées en plus en France. Mais c'est des petits effectifs de classe. On est à Valence, on était une classe de 16 par année, par promotion. Donc voilà, moi sur les 16 ou 17 qu'on était, j'étais le seul à parier. Et t'as senti la différence? Est-ce que les professionnels il y avait une différence? De toute façon, t'as une autre approche de toute façon. Oui, alors c'était en même temps, c'était un avantage et aussi une pénalité parce que. C'était pas toujours vu d'un bon œil, le fait de, par les profs et par les professionnels du secteur, le fait d'être appareillé et appareilleur. Parce que il y a forcément une sensibilité qui est pas toujours bienvenue dans le métier. Voilà. Et du coup, c'était pas forcément bien vu, mais par contre, mes collègues de classe qui faisaient le BTS avec moi étaient sensibles au sujet puisqu'ils faisaient ce BTS et donc c'était pas, on vient pas s'inscrire à une formation d'orthoprothésiste comme ça. C'est pas à l'ONICEP qu'on apprend ça ou avec la conseillère d'orientation en troisième. Donc voilà, c'est des gens qui ont forcément une sensibilité au départ et du coup. Je me suis très très bien senti dans le groupe. Et quelles sont les qualités d'un bon prothésiste pour toi ? Il faut être doué de ses mains, il faut savoir fabriquer, il faut être ingénieux, il faut être curieux, un petit côté technicien quand même, et de l'empathie et l'envie d'aider l'autre qu'on a en face de soi. Et alors, les prothèses, est-ce que c'est du, pour chaque client, est-ce que c'est du sur-mesure hein, ou comment est-ce que ça se passe? Ou c'est, on va dire, il y a des prothèses standards qui ensuite sont adaptées ou comment est-ce que ça se passe? Alors, c'est des composants standards qui sont fabriqués par la grosse industrie, qui sont réglés et adaptés pour le patient. Et supporté par un emboîtage, une emboîture, un manchon fait sur moulage. Tout ça, c'est fait sur moulage. D'accord. Donc, pour un premier appareillage, un patient va se retrouver avec des prothèses pas forcément terribles aussi. Pour un premier, quand on veut dire quand on ne sait pas, par exemple, même là, je vois avec mon père quand on a cherché un fauteuil de confort, tout simplement. Ouais. Bah, en fait, il y a le matériel qui est proposé par la sécurité sociale, qui est c'est vraiment un truc pourri, quoi. C'est vraiment le bas de gamme. Et je pense que quand tu arrives aussi dans le monde de la prothèse. Il y a peut-être aussi ce cas-là, non ? Oui, bah, alors tu parles du point de vue patient ou... Oui, patient. Alors quand t'es patient, ouais, tu commences avec des deux chevaux, hein, même si la deux chevaux c'est une très bonne voiture, mais tu commences avec de la daube, quoi, parce que on te met pas tout de suite le genou hyper sophistiqué qui va bien, ou le très bon pied, ou si t'as un problème de bras, la super battelle. Au début, c'est des appareillages qui sont assez sommaires. Mais qui permettent d'apprendre. D'accord, et ensuite, dès qu'on a apprivoisé la prothèse, là, en fonction de chaque personne, ça évolue, quoi, c'est ça ? Ouais, c'est ça. En fait, on va dire qu'il y a des types de patients. On parle plutôt du patient très actif, du patient à activité modérée et du patient âgé peu actif. Et pour parler des prothèses, c'est un peu les trois catégories de patients qu'on a, hein, l'hyper sportif, le patient qui vit sa vie de tous les jours, qui travaille, voilà, et les patients âgés qui souvent ont une prothèse de parade, qui sont plutôt en fauteuil. Mais voilà, c'est ces trois types de patients, et en fonction, bah, on adapte l'appareillage du moins évolué au plus évolué selon les besoins. Est-ce qu'il y a des marques à conseiller ou c'est directement les... On va dire, c'est vraiment standard et après, il y a le prothésiste qui adapte au sur-mesure. Alors, des marques à conseiller, non. Je ne peux pas conseiller de marque parce que franchement, c'est... En fait, il faut tout essayer et il faut être curieux de tout essayer. Et il faut demander à son prothésiste de nous faire tout essayer. Enfin... le maximum de choses possibles. Et il faut aussi se renseigner par soi-même parce que souvent, on n'a pas toutes les informations et quand on est patient, c'est aussi bien d'aller voir sur Internet, de regarder ce qui se fait, de regarder ce qu'il est possible de faire dans les autres pays même et d'être curieux de ça. Et bah c'est bien. Et donc, pendant cette période ou après le BTS, est-ce que tu as continué, même pendant le BTS, est-ce que tu as continué à faire du sport et sous quelle forme ? Alors, j'ai Au début, bah, je faisais du sport en rééducation parce qu'en fait, il y avait une piscine à Clémenceau, donc enfin, il y en a toujours une. Et quand tu viens du triathlon, bah, t'es content de trouver une piscine sur ton lieu de rééducation. Et du coup, j'ai commencé par nager, faire de la musculation un petit peu, enfin, du renforcement musculaire, quoi. Et puis, bah, après, il est venu le moment où j'ai réessayé de faire un petit peu de VTT en promenade, et ça, c'était déjà une forme d'activité sportive aussi. Et ensuite, en descendant dans le sud à Valence, j'ai repris à nager dans un club de natation. Et donc là, c'était vraiment ma première activité sportive encadrée et structurée, quoi, de nouveau. Et donc, t'as participé au Championnat de France de natation, hein? Oui, en e-sport avec la Fédération française en e-sport, Championnat de France de natation. Voilà, j'ai nagé pendant 3 ans dans le club handisport de Valence. C'était super d'ailleurs, on rigolait vraiment bien. Et voilà, après quand je suis revenu ici, j'ai continué le sport, mais de manière informelle. Et quels ont été tes premiers liens, bah, justement avec sûrement le Championnat de France de natation, avec des sportifs para de haut niveau? Eh ben c'était ça, c'était au Championnat de France de natation où j'ai été mais vraiment bluffé par les performances en fait. Enfin, il y avait des types de handicap où les mecs nageaient plus vite que ce que moi j'avais réussi à nager en tant que valide quoi à l'époque quoi. C'était assez incroyable. Et ouais, là c'était mon premier contact avec le haut niveau para. Et quelle est la sensation d'être catégorisé para justement à ce moment-là? Ah, c'est difficile. Au début, c'était. On va dire quand tu t'es inscrit pour la première fois et tu sélectionnes la catégorie para. Ouais. Bah c'est difficile au début d'intégrer ce monde parallèle justement à la société valide. Et c'est une sensation un peu bizarre, hein, je t'avoue. Et ensuite, comment tu t'es reconnecté avec le triathlon? Alors, en retournant en Alsace, j'ai donc travaillé dans une boîte qui est maintenant à Mommenheim, chez BMO. Voilà, on peut les citer parce que c'est une bonne boîte quand même. Ils font du bon boulot. Et j'ai bossé là-bas en tant qu'orthoprothésiste. Et dans mon petit coin, je continuais à essayer de voir comment je pourrais un jour recourir. Même si au début, j'ai mis quand même 10 ans à recourir. 8-9 ans à recourir après l'accident. Mais au début, je m'en fichais un petit peu, j'avais pas trop envie de recourir, voilà, parce que je savais que ce serait très très très difficile. Et j'avais pas envie de comparer sur tous les temps et les performances avec ce que je faisais avant, parce que ça a vraiment rien à voir. Mais à un moment donné, je me suis dit, bon, quand même, courir, ça pourrait être chouette d'essayer de recourir. Et du coup, j'ai cherché un petit peu comment je pourrais trouver une forme d'emboîture qui m'irait parfaitement pour courir. Et à partir du moment où j'ai réussi à courir, je me suis dit pourquoi pas refaire un triathlon. Et bon, aujourd'hui il y a une multitude de types de courses, de l'aquathlon, du athlon, du tri, du multi-enchaînement, du swimrun. Il y en a vraiment sur toutes les distances, allant du sprint jusqu'à l'ultra. Et quelles courses t'ont attiré? Quand? Quand tu t'es relancé. Qu'est-ce qui t'a dit hey, ça j'aimerais bien faire? Bah en fait je voulais refaire je voulais réessayer de finir un triathlon, voilà, tout simplement, et le plus court possible évidemment pour que ce soit le moins dur possible. Et des petites distances quoi. Et quels formats sont accessibles au paratriathlon? Est-ce qu'il y a des formats qui sont exclus de base ou tu peux tout faire sous condition de t'inscrire à une course évidemment, mais les paras sont accueillis sur toutes les courses en France et dans le monde. Je crois pas avoir noté, en tout cas dans mon entourage, de gens qui se sont fait refouler d'une course, même d'Ironman, hein. J'ai des copains qui ont fait des Ironman en fauteuil. Après, le circuit international officiel de l'ITU, hein, l'International Triathlon Union, c'est quand même en para, c'est du triathlon sprint. Voilà. Voilà, donc c'est ça, c'est vers ce format-là que tu t'es dirigé, quoi. Ouais. Bah pour deux raisons, parce que déjà c'était le format c'est le format officiel pour concourir, pour essayer une tenter une qualification au jeu, ainsi de suite, mais parce que c'est un format qui est adapté à la pratique en prothèse, voilà, parce que après je pourrais m'inscrire sur des moyennes distances ou même un Ironman, mais je vois pas l'intérêt de souffrir autant, quoi. Et donc, je voulais savoir un peu, on va faire un peu un tour, de quel matériel tu utilises et comment est-ce que tu as adapté ton matériel à tes besoins aussi. Donc, pour la nage, bon, la nage, c'est assez simple, hein. C'est un slip. C'est un slip et une combinaison néoprène quand il fait vraiment froid, que j'ai coupé, raccourci au niveau de ma jambe amputée, voilà. Alors, pour le vélo, j'ai vu que tu as une selle spéciale. J'ai une petite emboîture, donc c'est un petit fourreau où je glisse mon moignon, qui est ce petit fourreau-là est collé à la selle, fixé sur la selle ou tout juste à côté, pour avoir un petit support, voilà, pour que le moignon se balade pas et soit un peu calé au pédalage. Et tu t'en sers justement pour l'équilibre, pour Ouais, carrément. C'est un peu comme si je pouvais, si j'avais une autre jambe, c'est-à-dire que quand tu pédales à deux jambes, t'as forcément un contre-effort d'un côté quand tu pousses de l'autre, et ainsi de suite. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais c'est un effort alterné, donc il y a un mouvement de gainage contrôle perpétuel, et ce petit fourreau là me permet de gainer un petit peu la position, quoi. D'accord. Et en course à pied, quelle prothèse tu utilises ? Et en course à pied, c'est une prothèse avec une emboîture classique de marche, comme ma prothèse de marche, avec un genou par contre qui est complètement différent de la prothèse de marche. C'est un genou à articulation libre. Oléopneumatique, voilà, qui n'a aucun contrôle volontaire ou électronique, mais qui simplement suit le mouvement impulsé par la hanche. Et ensuite, en dessous de ce genou-là, il y a une lame en carbone qui fait office de ressort, voilà. Et quelle est la différence par rapport à une vraie jambe, en fait ? Parce que j'ai l'impression que c'est, tu vas donner une impulsion avec ta jambe valide, et ensuite, on va dire, c'est une recherche d'équilibre essayer de trouver une flexion de la jambe. Alors, en fait, la différence avec une jambe normale, c'est que la grosse différence, c'est que t'as pas tous les retours d'information, tous les feedbacks du sol que les valides ont à travers tout leur système de proprioception et nerveux, quoi, hein, de la cheville, du pied, du genou. Oui, parce que il manque quand même deux articulations bien compliquées et un toucher nerveux qui n'existe plus. Donc il faut essayer d'aller chercher des informations dans l'espace à travers le moignon. Et à la base, c'est pas prévu pour ça parce que c'est pas un pied. Et donc ça, c'est la première grosse différence. Et la deuxième, c'est qu'il faut initier le mouvement et contrôler le mouvement de manière volontaire. Alors que si maintenant toi tu marches, d'un coup le bus arrive, t'es en retard, tu cours, tu sais même pas, t'as même pas décidé de courir, tu l'as fait tout naturellement sans te poser de questions. Et ça, moi je peux plus faire. Il faut vraiment que je contrôle ce que je fais, que je mobilise ma prothèse volontairement, consciemment. Voilà. D'accord, parce qu'en fait, on peut voir un peu sur les cours, sur les vidéos qu'on voit, on a quand même la jambe, donc la prothèse, quand elle est sur le retour, quand ton pied va, quand ta prothèse va vers l'avant, elle est bien un peu sur le côté aussi. Ouais. C'est aussi un peu comme ça, c'est un truc à, je pense que c'est un truc à gérer aussi. Ouais. Ça c'est dû au mouvement de rotation interne de la hanche qui est un mouvement naturel quand tu cours, on s'en rend pas forcément compte, mais il y a une petite rotation interne de la hanche quand on court. Et forcément, bah la prothèse tourne en interne quand elle va vers l'avant. Voilà, c'est mécanique, c'est biomécanique même. Et bon bah ça ça fait partie de du schéma de course naturel et on peut réussir à le contrecarrer un petit peu ou à le diminuer en ayant des réglages très très fins de la prothèse. Mais on l'aura en amputation fémorale, on l'a toujours en courant. C'est... Et comment je veux dire, donc au niveau de l'amortissement de l'impact au sol, comment est-ce que tu gères ça? Parce que donc quand on a la cheville, quand on a le pied, la cheville, le genou, ça encaisse. Donc il y a quand même on a quand même un sacré ressort sous la jambe quoi. Et toi tu le prends directement dans la hanche quoi. Exact. Ouais, dans la hanche et même plus haut, même dans le bassin. Puis dans les lombaires. Parce que, comme tu l'as souligné, il n'y a plus de système d'amortissement. Alors la lame en carbone, elle fait office d'amortisseur, mais elle reste tout de même raide. Puisque si on veut qu'elle renvoie de l'énergie, il faut qu'elle ait une certaine raideur quand même. Et donc, toute cette chaîne d'énergie, ben, elle se retrouve impactée le bassin et les lombaires. Et après, ben, la colonne vertébrale, c'est des étages osseux, et boum, boum, boum, voilà, ça fait... Donc ouais, c'est aussi pour ça que tu disais le sprint. Ouais. Le sprint, c'est bien. Après, plus, c'est peut-être pas nécessaire. Ouais, c'est ça. Déjà, un triathlon olympique qu'on appelait à l'époque courte distance, où il faut courir 10 km, ça devient long. Ça se fait, ça se ferait encore. Après, je pourrais faire un moyenne distance où c'est un semi derrière, mais je mettrais 15 jours à m'en remettre au niveau du dos, quoi. Donc, ouais, l'intérêt, c'est pas de se blesser, c'est continuer à pratiquer. Et bon, il y a quand même beaucoup. Enfin, on va dire que le calendrier compte beaucoup de courses, on va pas s'en faire tous les week-ends, quoi. Ouais, c'est ça. Alors, si on parle bah, après de l'objectif de performance en paratriathlon au niveau mondial, tu vas pas faire un moyenne distance en plein milieu d'une saison où tu sais que tu as des objectifs importants parce que bah, tu vas avoir mal au dos, tu vas être blessé peut-être. Mais après, c'est comme les gars valides qui courent 160 km ou 200 bornes. Bon, bah, ils mettent aussi une semaine à s'en remettre, quoi, ou 10 jours. Hein. Et comment as-tu dompté cette fameuse prothèse de course à pied? Bah, figure-toi que je tombe encore. Donc elle n'est pas domptée et elle sera jamais totalement domptée. C'est comme je te disais tout à l'heure, faut vraiment être conscient de tout ce que tu fais et surveiller ta prothèse parce que tu n'as plus les retours d'informations proprioceptives du sol et souvent la chute elle vient de là quoi, d'un manque d'attention, d'une petite moment où tu n'as pas fait gaffe où est-ce que tu mettais le pied. Et, ah bah, c'est au niveau de l'accroche ou c'est comment est-ce que... Ben, par exemple, si tu mets juste ta prothèse, tu la poses juste avec l'articulation du genou qui n'est pas en hyper-extension, tendue, complètement tendue, et ben le genou se plie et tu tombes. D'accord, ok. Donc c'est vraiment, tu marches, tu cours sur un caillou d'un centimètre... Ça te met en déséquilibre parce que ton articulation, au moment où tu poses le pied au sol, ton articulation de genou, elle n'est pas en hyperextension complète. Elle n'est pas en extension complète. Et du coup, elle se déverrouille. On dit déverrouille. Et tu tombes parce qu'il n'y a aucun moyen de retenir. Tu n'as plus de quadriceps pour retenir ta chute. Tu n'as plus de cuisses pour retenir ta chute. Donc tu tombes. Ouais, donc ce n'est pas des prothèses tout-terrain, quoi. Non. C'est vraiment pas des prothèses tout terrain et le trail c'est quasiment impossible pour moi de faire du trail par exemple. Voilà, justement, je voulais en venir aux limites d'utilisation de la prothèse. Ouais, c'est ça. Donc, faut vraiment rester sur tout ce qui est goudronné, ça passe. Mais bon, ça tape dans le dos. Hein. Et ensuite, tout ce qui est piste, par exemple, piste gravillonnée, comme les pistes cyclables. C'est pas mal, ça. Ça, c'est pas mal pour courir. Tout le monde ne le fait pas forcément, mais moi, je le fais parce que j'estime que j'ai assez... c'est sur un truc comme ça que je suis tombé la dernière fois, d'ailleurs. J'estime que j'ai assez de contrôle et que je fais assez attention pour le faire. Et puis comme ça m'épargne un petit peu le dos. Et c'est aussi agréable de courir sur d'autres terrains que sur le bitume, quoi. Parce que moi aussi, je cours justement sur des chemins de ce type-là. Ouais. Et c'est vrai que tu fais, de temps en temps, t'as un petit caillou, mais au niveau... tu peux répéter tes efforts sans en souffrir, quoi. Alors, tu dois renouveler cette prothèse tous les combien de temps là ? Je suppose que la souplesse des matériaux évolue avec l'usure tout simplement de la flexion des matériaux. Mm-hmm, exactement, c'est une très très bonne remarque. La lame en carbone, elle s'use en fait assez rapidement parce que quand tu cours, moi si je fais 4 séances par semaine, ça fait 4 fois 8, c'est entre 8 et 10 km. Donc ça fait entre 30 et 40 km par semaine, fois 50 semaines ou 48 semaines, ça fait des kilomètres à la fin. Et les cycles de pas font vraiment provoquent une usure de l'élasticité de la lame et effectivement faut la changer. Alors, et c'est pas remboursé par la sécu, alors on essaye de pas la changer trop souvent parce que ça coûte un bras, comme dirait l'autre. Et c'est et comment dire, mais c'est donc la lame en carbone, c'est une construction qui vient d'où hein? Je peux pas citer de marque, mais parce que j'ai pas envie de faire de la pub, mais c'est parce que je sais que moi dans le monde du canoë, j'ai un ami qui c'était le père d'un ami qui avait fait la sélection pour les Jeux Olympiques en 1972 à Munich. Donc, et le mec fabrique ses bateaux lui-même. Mmh. Et tout ce qui est matériel de course pour ses enfants, c'était lui qui le faisait. Donc son fils qui était en équipe de France, tout son matériel, c'était son père qui l'avait fait, quoi. Mmh. Toutes les pagaies, bateaux, ouais. C'était lui, quoi. Ben, franchement, un gars qui fait ça dans son garage, ça pourrait exister, ce serait possible, hein. Mais après, il faut avoir confiance dans... C'est pas la même chose, parce que là, c'est du matériel rigide où il n'y a pas de canoë, tout ça. C'est des matériaux figés. Carbone, il est figé et il n'y a pas trop d'élasticité, de notion d'élasticité, alors que dans une lame de course, c'est vraiment que ça. C'est vraiment l'impact, la répétition des impacts, et il faut qu'elle tienne sans casser. Donc ça c'est fait par des industriels aujourd'hui le carbone c'est les matériaux composites, c'est partout quoi, on en utilise tout le temps et il y a beaucoup d'entreprises qui seraient capables de faire ça. C'est pas très compliqué au niveau mise en œuvre. Oui, non, mais c'est vraiment c'est un savoir-faire c'est un savoir-faire manuel qui est Non, c'est pas du tout manuel, c'est fait à la chaîne, c'est vraiment comme dans l'automobile sur des lignes de production et tout ça. Hein. D'accord, ouais. Non, parce que moi j'avais par exemple, je sais qu'à Cernay, il y avait des anciennes entreprises qui faisaient des métiers à tisser et qui aujourd'hui font du carbone. Mm-hmm. À Cernay, et en fait je sais qu'il là-bas Ernest, il avait ses adresses. Mais alors, tu vois, nous dans le métier d'orthoprothésiste, on fait les emboîtures et tous les appareillages Tu as une partie dans l'appareillage, celle qui est faite sur moulage, qui correspond au corps du patient pour une attelle ou une orthèse, ou à la partie manquante pour une prothèse. Ça on le fait aussi en matériaux composites, en carbone, mais on fait du matériau figé, du carbone figé. C'est-à-dire que on va le faire pour la légèreté du matériau composite parce que c'est plus léger que de l'aluminium ou de l'acier, mais on va pas l'utiliser pour un mouvement. Quoi. Voilà, on sera limité par nos machines, notre technologie, lorsqu'il s'agira de faire des pièces qui sont sous contrainte répétées sur des millions de cycles. Alors, j'avais aussi une question. Alors, surtout sur le passage maintenant que tu es athlète professionnel. Donc, à quel moment tu t'es dit « je vais être triathlète pro » ? En fait, je me le suis jamais dit. J'ai refait le triathlon d'Aubernais là pour la première fois avec ma prothèse en 2017, le petit, et j'ai réussi à le finir alors que je pensais pas forcément finir un triathlon. Et du coup, je me suis inscrit au championnat de France para et là-bas pendant tout l'été du coup pour préparer ce championnat de France, je me suis entraîné et ça a plutôt bien marché. Ensuite. J'étais invité par l'équipe de France sur quelques stages. Et de fil en aiguille, je me suis dit peut-être que je pourrais en faire vraiment de nouveau de manière intensive. Mais je me suis jamais dit tu vas essayer d'être professionnel. C'était pas ça l'objectif. L'objectif, c'était de refaire de la perf, en fait, du sport. Un peu de manière un peu plus intense que pas juste faire de la balade, quoi. Ouais, voilà. Et puis en plus, j'avais quitté mon job pour des raisons autres que ça, hein, voilà. Ça se passait plus très très bien dans l'entreprise et du coup je suis parti comme ça, mais j'avais pas forcément dans l'idée de refaire ça. Alors j'avais justement une question de Bertrand Soulier du podcast Kilomètre 42. Donc, quel est le parcours pour devenir athlète pro ? c'est un enchaînement de un enchaînement de comment dire de coups de bol et de et d'occasion. Non, le parcours, je pense que le parcours classique, c'est le sport-études, c'est la filière. Dans n'importe quel sport, hein, c'est le parcours classique, c'est les filières d'apprentissage à la préadolescence, à l'adolescence, qui font des sportifs pro, qui fabriquent des sportifs professionnels. Mais moi, j'en ai bénéficié. Après, franchement, j'aurais jamais pu être. Enfin, je dis ça, mais peut-être pas quand même. J'aurais peut-être pu être pro sur triathlon longue distance et gagner ma vie avec ça. Mais sur le court, jamais, parce que mon niveau de natation était un piètre niveau et je pense pas avoir les qualités pour qu'il eût été beaucoup mieux que ça. Donc sur le court, ça marche pas. Et donc ça, c'était pour les jeunes et pour les personnes de 30 ans. Comment ça se passe si, coupez-vous une jambe et puis après, c'est plus facile parce que du coup, il y a forcément un peu moins de densité, un peu moins de niveau. Donc, on atteint les échelons plus rapidement. Non, c'est... voilà, moi, je peux te parler du milieu handi. Il faut juste tenter sa chance, croire en soi. Puis après, c'est moi, en ce qui me concerne, c'est un peu des enchaînements de dominos. Je veux dire, je quitte mon travail parce que je me sens plus bien dans l'entreprise. Du coup, j'ai 2 ans de chômage devant moi. Du coup, je me dis, qu'est-ce que je peux faire de ces 2 ans ? J'ai envie de refaire du sport depuis longtemps. Bah tiens, c'est peut-être le moment. Enfin, tu vois, c'est que des enchaînements de coïncidences qui font que aujourd'hui j'ai réussi à finir la saison 2019 à l'équilibre financier parce que voilà, donc c'est ça être sportif. Pour moi, c'est ça être sportif pro, c'est arriver à vivre de ton sport. Moi, c'est ce que j'ai réussi à faire en 2019, mais je m'y attendais pas, je n'avais pas planifié ça, enfin voilà. Et à l'approche des jeux et avec la montée en popularité de Vincent Louis qui performe en triathlète, donc qui performe au niveau mondial. Les triathlètes pro français ressentent-ils un regain d'intérêt ? Est-ce que c'est plus facile, par exemple, quand tu vas voir une société où tu aimerais te faire sponsoriser ? Est-ce que c'est plus facile ou non ? Ouais, je pense que par rapport à... Je vais avoir 34 ans et j'ai commencé à 14 ans. Le triathlon, donc ça fait bientôt 20 ans. Et par rapport à il y a 20 ans, je veux dire, c'est clair que les valides, comme les paras, bénéficient de cet engouement un petit peu nouveau pour le triathlon. Voilà, on le sent quand même et on en entend de plus en plus parler. Et les résultats des Français, que ce soit en valide ou en para, sont bons. Et ça aide, oui, c'est sûr. Et j'ai une question de Hermano du podcast Dans les vestiaires. Comment finances-tu ta saison? Parce qu'il y a beaucoup de, j'ai vu qu'il y a beaucoup de déplacements, des courses et tout en Australie, au Québec, en Europe, qui accumulés pèsent lourd, quoi. Et surtout que pour courir juste une manche de Coupe du Monde, t'y vas pas juste avec ton slip, quoi, t'y vas avec tout ton matériel. Ouais, alors le triathlon niveau logistique, soit dit en passant, juste comme ça, c'est vraiment un gros bordel, surtout quand t'as encore des histoires de prothèses à gérer pour les déplacements. C'est vrai que là, ça fait beaucoup de matos à emmener et c'est vraiment pas la partie la plus plaisante. On dit souvent que le triathlon, c'est 4 sports parce qu'il y a faire les bagages et défaire les bagages en plus. Et c'est vraiment un sport, un des 4 sports à part entière. Quand je pars, j'ai le scénic et le scénic, il est plein. Ouais, quand tu vas faire du canoë ou non ? Ah, quand je fais du triathlon. Triathlon, ouais, non, mais voilà, c'est ça. Enfin, bref. Ouais, donc ta question c'était quoi ? Je sais plus. Comment finances-tu ta saison ? Ah oui. Alors au début, la première saison 2018, du coup, mars 2018, j'ai vraiment commencé à faire mes premières manches de Coupe du Monde. D'ailleurs, Pauline m'a accompagné sur ma première manche de Coupe du Monde en Espagne, à Valencia en Espagne cette fois-ci, pas Valence dans la Drôme. Elle est toujours dans les bons plans. Ouais, ah ouais, non, mais c'est incroyable. C'est elle qui m'a. Qui était dispo. Elle était dispo. Je sais pas, elle avait une semaine de congé, je sais pas quoi. Je lui ai dit, ouais, tu veux pas m'accompagner à Valence faire ma première manche de Coupe du Monde parce que Noémie, ma compagne, ne pouvait pas venir. Personne ne pouvait venir. Et donc, j'y suis allé avec Pauline. C'était trop bien. Et voilà, je sais plus pourquoi je dis ça. Pour financer la saison. Ah oui, donc cette première. Ah ouais, ça c'était la première saison, c'était difficile parce que là j'ai dû investir. J'ai dû investir parce que la Fédé, elle m'a payé mes stages que j'ai fait avec l'équipe de France, auxquels j'ai participé avec l'équipe de France. J'étais pas encore en équipe de France et il fallait que je montre que je pouvais être performant sur le niveau au-dessus. Donc. Rentrer sur le circuit international, c'était pas évident, et c'est pas évident, c'est jamais évident en paratriathlon, parce qu'il faut réussir à gagner ton dossard, gagner entre guillemets, hein, il faut montrer que t'es performant avant de pouvoir rentrer au ranking, et une fois que t'es rentré au ranking, seulement tu as des dossards disponibles pour les prochaines courses. Donc moi j'ai bénéficié de l'abandon de mes prédécesseurs sur certaines manches de Coupe du Monde qui voulaient pas y aller ou qui étaient blessés ou machin, et j'ai eu mon dossard grâce à ça, mes premiers dossards grâce à ça. Et après, pour financer tout ça, au début j'ai investi, donc j'ai payé ça de ma poche, j'avais des économies, et la première saison j'ai quasiment tout financé, on va dire à 60%, on va dire. Et 35-40% étaient réglés par la Fédération Française de Triathlon. Et après, en 2019, c'était différent parce que du coup, j'avais fait une troisième place au championnat du monde en 2018, à la fin de saison. Et donc là, pour aller voir les sponsors, c'était un petit peu plus facile. Et je suis rentré grâce à ce podium au championnat du monde. Je suis rentré tout juste sur la liste ministérielle de haut niveau. Alors pas la liste élite, mais la liste réserve, je crois, un truc comme ça. Et du coup, cette entrée sur liste ministérielle me permettait d'aller voir la région et de rentrer en contact avec la région Grand Est et le département du Bas-Rhin et l'Eurométropole pour des aides territoriales, tu vois. Mmh. Ouais, parce que t'as des. Moi j'ai vu que sur tes posts Facebook, tu as beaucoup de partenaires différents. Ouais. Et qui te soutiennent. Ouais. Et y a lesquels ? Bah alors là, tu vois, les premiers c'était la région, le département, la FFTRI et la ville de Strasbourg. C'est les quatre premiers qui m'ont permis de. Après un gros investissement personnel sur la première saison, qui m'ont permis de poursuivre en 2019. Et avec après une recherche, hormis ces partenaires, on va dire étatiques, une recherche de partenaires perso. Donc j'ai la chance d'avoir des beaux-parents qui ont une entreprise et qui ont décidé de mettre un petit billet sur moi parce que ça leur faisait plaisir. Et donc, c'est Yuji Machine, Transtechnique, dans le Loiret. Ils font ils vendent des machines-outils pour usiner des moteurs d'avion. Et ils sont importateurs en Europe, voilà. Donc, si vous êtes dans une niche, quoi. Si vous avez un moteur d'avion à faire usiner, vous pouvez aller voir Yuji Machine, c'est dans le Loiret, dans le 45. Voilà. Non, bah, eux, ils m'ont aidé. Et puis, ils m'aident toujours, d'ailleurs. Et mon club, la SPTT Strasbourg, qui est le sixième, on va dire, partenaire. Donc, tu vois, ça fait déjà 6, mais à chaque fois, c'est des petits montants. Mais, oui, justement, je vois que... De toute façon, je pense que pour... Voilà, il en faut beaucoup parce que j'ai pas trouvé de gros poissons jusqu'à présent. Et ça te permet aussi de... Bah, si t'en as beaucoup, c'est aussi... ça te permet que s'il y en a un qui se retire, bah, c'est pas forcément très grave, quoi. Ouais, ça, c'est un avantage. De l'inconvénient de pas avoir de gros sponsors, bah c'est un avantage d'en avoir beaucoup quand même, parce que comme tu viens de le dire, ça peut sauver des fois si le gros poisson part et que t'en as qu'un, bon ben. Alors tu as changé de club pour la SPT Strasbourg, ouais. Est-ce que c'était plus pratique ou c'était une démarche de professionnalisation? C'était une démarche de professionnalisation parce que en fait à la mairie de Molsheim et la Comcom de Molsheim Motique ainsi de suite avait pas l'intention de m'aider. C'est une région très très riche, hein. C'est la région du Bas où il y a le moins de chômage, 3 ou 4% je crois. Alors, la Comcom de Molsheim-Mützig et environ, avec Obernai aussi. Mais voilà, les mairies n'ont pas les mêmes moyens que l'Eurométropole et Strasbourg. Et en me licenciant, en prenant un club aussi dans la région de Strasbourg, sur le territoire de l'Eurométropole, je me mettais en relation directe avec les services de la mairie de Strasbourg, service des sports de l'Eurométropole. Donc ça permettait d'avoir plus de soutien financier et technique aussi. Et aussi pour les entraînements, les accès aux piscines, c'est directement sur la CUS, quoi. Voilà, exactement. Bah après, voilà, je prends mon abonnement comme tout le monde dans les piscines de l'Eurométropole. Mais déjà, pour nager, j'ai 8 piscines à disposition si tu les prends toutes. Après, voilà, j'en utilise 2 ou 3, mais... dire ça permet quand même une certaine souplesse pour aller nager. Et puis à la SPT de Strasbourg, ils ont beaucoup de créneaux d'entraînement et c'est vraiment un super club avec un bon état d'esprit. Et voilà, en fait, en plus, pour moi, ça a plus de sens parce que c'est à côté de chez moi maintenant. J'habite à Lampertheim, donc je suis sur le territoire de l'Eurométropole aussi. Et dans tous les cas, j'allais plus m'entraîner à Molsheim, c'est sûr. Alors, j'ai une question de Pauline de Clermont-Ferrand. Comment appréhendes-tu les difficultés financières quand tu quittes ton travail et à la recherche des sponsors? Donc, tu as bénéficié du chômage, ouais. Donc la meilleure Startup Nation, ouais, c'est Pôle emploi, non, mais... c'est le meilleur Kickstarter. tout simplement, quel est ton train de vie actuel, quoi? Ah bah moi je flambe, hein. je dépense tout ce que je peux, je dépense tout ce que j'ai, je dépense, je claque du fric. Non bah mon train de vie c'est un train de vie de quelqu'un qui... Le salaire que j'avais avant en tant qu'orthoprothésiste c'était entre 1600 et 1800 euros début de carrière et fin de carrière puisqu'elle a duré que 4 ans. Mais aujourd'hui on va dire en moyenne je suis à 1500 euros par mois. Pour tout faire. Donc voilà, ça permet de vivre bien, de payer ton loyer, de voilà. Comme quelqu'un qui a un job, je dirais, avec un revenu moyen. Presque normal, quoi. Ouais. Bah, c'est cool. Hein. Ouais, c'est cool. C'est cool, sauf que c'est pas du CDI, c'est du très court terme et que en fait. Bah, t'es tout le temps obligé de cravacher pour retrouver des sponsors l'année d'après et ainsi de suite. Oui, t'es vraiment dans une boucle. Dans le précaire, en fait, tout le temps. Parce que ça peut s'arrêter du jour au lendemain. Alors, et maintenant, comment ça fait d'avoir une activité où tu t'occupes que de toi? Bah en fait moi c'est vrai que j'aime bien être mon propre patron et en fait j'en avais marre de recevoir des ordres aussi, je crois quand je me suis barré j'en avais marre qu'on me dise quoi faire et aujourd'hui on me dit pas quoi faire, Je veux dire, si, il y a Jean-Claude Gasse, mon coach, qui me dit ce que je dois faire. Mais je veux dire, j'ai pas d'autre chef, quoi. Enfin, c'est moi mon chef. Je m'entraîne comme je veux, je m'organise, j'organise mon temps comme je veux. Et en fait, c'est une profession libérale. Et qu'est-ce que tu as mis en place comme routine, tout ce qui est alimentation, nouvelles pratiques? Je sais pas si tu t'es mis au yoga ou... J'ai essayé le yoga et en fait, j'arrive pas à me concentrer. C'est comme la sophrologie, tous ces trucs-là, j'ai jamais réussi. Maintenant, en nouvelles pratiques, Parce qu'on va dire, tu peux pas courir et faire du vélo tout le temps non plus. Pour il y a des moments où tu dois te reposer. Mmh. C'est peut-être un truc où quand t'arrives, je pense que quand t'arrives et tu dis bon, c'est bon, maintenant tout ce temps-là, il est pour moi. Comment est-ce que... Parce que si tu cours, en fait, tu vas t'épuiser. Alors, comment tu fais? Ah, je vois ce que tu veux dire. Oui, en fait, ça représente quand même beaucoup d'heures, l'entraînement. Il reste pas énormément de temps. Il en reste quand même à optimiser. Je suis d'accord avec toi. Pour des étirements, des soins, du kiné, de la cryothérapie... et puis après, je m'occupe de mon fils, je fais à manger, je suis un peu plus à la maison que Noémie, donc que ma compagne, donc je fais un peu les trucs d'ici, quoi, voilà, de la maison. Voilà, la vie de daron, quoi. Ouais. père au foyer, quoi, quand je m'entraîne pas. Et donc ça te permet d'aller déposer ton fils à l'école. C'est tout des trucs comme ça, c'est poser mon fils à l'école ou chez la tati, le récupérer le soir. Tout ça, c'est moi qui le fais et j'adore le faire d'ailleurs. Mais des bricolages, des bricoles par-ci par-là parce que je suis forcément plus à la maison que Noémie. Donc s'il y a un truc, un pépin, je peux le régler tout de suite. Voilà. Et après, quand tu es en déplacement, il y a une dizaine de courses dans l'année, ça fait 10 semaines. Après, il y a 4 ou 5 stages, ça fait 6 semaines. Donc voilà, ça fait 16 semaines déjà où tu n'es pas là. 16 semaines, ça fait combien? Ça fait 4 mois. Ouais, 4 mois, c'est pas mal. Attends, 4 fois 4. Ouais. 16. Et en fait, entre 3 et 4 mois de l'année, je ne suis pas là. Voilà. Donc... ce temps-là, c'est quand t'es en déplacement, donc après tu t'occupes vraiment que de faire du sport. Donc après, quand t'es en stage, c'est à ces moments-là que tu en profites pour faire les Coupes du Monde, c'est ça? Ou c'est juste des moments où tu fais des entraînements? Non, en stage, c'est vraiment des stages de préparation, on fait que s'entraîner, on part avec le collectif de l'équipe de France et on fait que s'entraîner. Et après, quand je te disais 10 courses, ça représente à chaque fois une semaine, parce qu'en fait, quand tu fais un déplacement, même si c'est juste en Espagne ou au Portugal, c'est une semaine parce que tu arrives 4 jours avant la course, 5 jours avant la course, et que tu repars un ou deux jours après. Donc, une course égale une semaine. Et au niveau alimentation, est-ce que tu as changé quelque chose? Non, j'ai toujours... manger plutôt sainement, c'est-à-dire pas de malbouffe, hein, comme disait José Bové, pas de fast-food et tout ça. Hein. J'ai toujours picolé et je picole toujours, sauf quand je suis en préparation d'un très gros objectif ou à une semaine d'une course. Je prends plus d'apéro avec les copains, j'évite l'alcool, mais sinon. Je mange comme tout le monde des produits plutôt sains, voilà, c'est tout. Mais de tout. En même temps, tu te dépenses, donc tu peux y aller, quoi. ouais, mais après, faut juste faire attention de pas mettre de la merde dans ton corps, et je pense que tu le fais aussi, et t'es sensibilisé à ces choses-là, mais voilà. Parce que moi, j'ai avec l'âge, hein, on prend un peu du bide. Et moi, j'ai un peu, je suis passé depuis cet été là, j'ai augmenté les quantités de repas végétariens, ouais, dans la semaine. Donc ouais. Moi, je suis maintenant flexitarien, donc ouais. plus de la moitié de mes repas, c'est sont végétariens. Ouais. Et ça, voilà, moi je trouve ça intéressant à tester. En tout cas, après on va voir ce que ça donne. Ouais. Mais c'est vrai que les deux dernières années, on a viré tout ce qui était nourriture industrielle, tout ce qui était préfabriqué, quoi. Donc qui est pauvre en qualité. Mais c'est sûr. Quand je dis il faut pas mettre de la merde dans ton corps, c'est exactement ça. C'est tout ce qui est transformé, surtransformé, congelé, décongelé, passé sur les chaînes de fabrication, c'est plus de la nourriture vivante, c'est mort, c'est plus rien que des calories. C'est juste des calories, il n'y a plus de nutriments, il n'y a plus rien dedans. Donc ça, c'est... en fait, tu emmerdes ton corps à se débarrasser de ça. Et tu le fatigues parce qu'il doit se débarrasser de toute cette merde au lieu d'en profiter, d'en fabriquer de l'énergie et des bonnes choses. Donc en plus d'acheter quelque chose qui est producteur de gens mal payés, de tout ce qu'on veut, et ben tu fais chier ton corps avec ça. Donc, Et sinon, comment se déroule ta semaine de bureau? Ma semaine de bureau, c'est 6 jours sur 7, donc le dimanche c'est repos. C'est debout à 7h30, 7h45 on va dire. C'est petit déjeuner, ensuite c'est préparer Charlie, l'emmener à la Tati à 9h, partir au premier entraînement, revenir, manger... faire une sieste si possible et sinon recherche de sponsors s'il y a besoin, enfin marketing et paperasse à la place de la sieste. Je préfère faire la sieste, mais voilà, des fois j'ai pas le temps. Et ensuite deuxième entraînement et rentrer absolument pour les 5h15 parce qu'il faut rechercher Charlie, et ensuite s'occuper de Charlie jusqu'à que Noémie rentre. Et quand Noémie rentre, je peux encore faire un peu de business, paperasse, tout ça. Et après, ben, manger. Et tu as un entraîneur ou t'es... Ouais. C'est Jean-Claude Gasse, toujours mon coach, mon fameux prof qui m'a fait découvrir le triathlon en seconde, qui m'entraîne toujours. Et je suis ses plans d'entraînement, plus ou moins, parce que voilà, maintenant, avec l'expérience, si je dois adapter, j'adapte. Mais la grosse trame, c'est quand même lui. Et quelles séances te conviennent et lesquelles ne te conviennent pas du tout? En fait, quand je suis en forme, j'adore toutes les séances, même si c'est dur à mort, si le lendemain c'est encore dur et le surlendemain c'est encore dur, j'adore. Mais après, quand la fatigue arrive, il n'y a plus vraiment rien qui me fait plaisir. Donc ça dépend de l'état de forme, quoi. Et comment tu fais pour t'entraîner sans te blesser? Bah alors ça c'est la grande question et c'est une bonne question parce qu'en fait j'y arrive pas, je me blesse et c'est des petits bobos par-ci par-là, voilà, mais qu'il faut gérer au quotidien pour que ça devienne pas chronique en fait. C'est de la gestion de patrimoine. Ouais, mais justement, parce que bon, on est voilà, on va dire qu'à plus de 30 ans, quand on fait du sport, c'est pas pour s'user, quoi. Mm. Donc, c'est sûr que c'est ce que je te disais tout à l'heure. Si t'as plein de temps pour t'entraîner, tu peux t'entraîner tout le temps, mais c'est pas ce qui est bénéfique non plus. Non, tu peux pas. Mais de toute façon, je t'ai dit tout à l'heure, c'est matin et après-midi, sauf le dimanche. Donc, après, il faut le temps de se préparer, le temps de se changer, le temps d'aller à l'entraînement, de revenir de la piscine, de revenir, de t'habiller en hiver quand tu vas rouler, mettre 15 couches, machin. Je veux dire, c'est pas seulement le temps effectif quand tu démarres le chrono et que tu l'éteins, mais c'est tout le temps de préparation qu'il y a autour. Bah en fait, dans la journée, il te reste plus tellement de temps. Si tu fais du bi-quotidien, il te reste plus tellement de temps pour regarder des séries sur Netflix et tout ça. Hein. Donc, tu essayes de t'étirer 5 minutes par-ci par-là et te reposer, de te poser juste. Alors, comment tu gères un peu la planification de tes entraînements sur la saison? Parce que bon, c'est pavé à la fois l'année est pavée à la fois d'objectifs à court terme, mais aussi à long terme. Comme les JO par exemple, qui sont sur 4 ans. Est-ce qu'il y a des courses? Parce que ouais, il y a des courses tout le temps et il faudrait être tout le temps en forme. Qu'est-ce que tu fais toi? Bah, il y a des objectifs à priorité graduelle. Par exemple, le championnat du monde l'année dernière à Lausanne, c'était l'objectif principal. Tu pouvais louper toutes les autres courses, mais il fallait que à Lausanne tu fasses une perf. Et d'ailleurs, ça s'est vu au championnat d'Europe qui était 15 jours plus tard, c'est que j'étais limite, quoi. J'étais cramé. J'ai failli pas gagner. J'ai gagné, mais de justesse, à 8 secondes. Lors des week-ends de course, comment est-ce que tu jongles avec la vie de famille? Est-ce qu'ils viennent avec toi, ou est-ce que parfois ils ne viennent pas, ou Ils peuvent pas trop, parce que c'est pas des week-ends de course, c'est des semaines de course, et je peux pas les emmener parce que la FF3 ils payent pas le billet de la femme et de l'enfant pour aller au Canada ou en Estonie où tu veux. Donc en fait je les emmène pas, et puis de toute façon Noémie a pas de congé pour faire tout ça, pas assez de congé pour faire tout ça. Et voilà, ils sont venus une fois en stage sur 3 ans, et une fois peut-être une course à Lausanne, parce que c'était pas loin. Là, c'était vraiment pratique. Parce que on va dire quand tu fais du triathlon en Alsace, c'est surtout la bagnole. Quand tu vas ouais. faire des courses nationales, ça va tout le temps en perpète, quoi. Ouais, national, moi je fais que le championnat de France. Et après, c'est des petites régionales là. D'ailleurs, cet été, j'ai pu en faire. Depuis longtemps, j'en avais pas fait parce que j'ai pas le temps lors d'une saison classique. Mais avec notre ami Covid, cette année, on a eu le temps de faire des petites courses. Ouais. Mais sinon, non, c'est l'avion. Et c'est pas très écologique, mais bon. Et comment est-ce que tu accèdes en équipe de France? C'est justement sur ces stages que tu fais là? En fait, le chemin classique, c'est participer aux championnats de France de paratriathlon qui sont organisés tous les ans. Se faire repérer, si possible, lors de cette course, par le staff technique national. Essayer d'intégrer en fait l'équipe. Se faire inviter sur un premier stage du collectif et montrer que t'es performant. C'est assez classique. Et est-ce qu'il y a des quotas en nombre de personnes par catégorie? Enfin, oui. À l'international, en fait, on a 2 dossards par catégorie. Je résume, parce que c'est compliqué. Oui, je sens que ça va être quoi. Mais il y a 6 catégories différentes, les déficients visuels, les fauteuils roulants, et ensuite 4 catégories de handicap debout, entre guillemets, ce qu'on appelle le handicap debout, c'est les amputés comme moi, quoi. 4 catégories différentes en fonction de la gravité du handicap, la lourdeur du handicap, et dans chaque catégorie, en gros, on a 2 dossards par nation. Mais après, dans le collectif France, on intègre beaucoup plus d'athlètes que ça. Parce que bien sûr, il n'y a pas que les athlètes qui courent sur le circuit qu'il faut chouchouter. Il faut avoir un vivier derrière. Un vivier derrière, donc il y a plus d'athlètes que ça. Et on est toujours, quand je dis on, c'est le staff national, est toujours à la recherche de nouveaux candidats. Hein. Oui, parce que moi je sais que quand je faisais du canoë, c'est vrai que les sélections nationales, c'était une semaine de course. Et pendant une semaine, tu avais une course le matin, une course l'après-midi. Et au classement, c'est celui-là qui est les deux premiers qui étaient pris. Et un troisième qui était là pour remplacer, et c'était tout, quoi. Et encore, ça, c'était les bonnes années. Sinon, il n'y avait qu'une seule personne qui passait, genre c'était Tony Estanguet qui était devant, quoi. Donc, donc on va dire, la place était quasiment prise, et la deuxième, c'était vraiment des places en or, quoi. Ouais, bon, après, chez les élites, par exemple, en triathlon... Il y a l'équipe de France, le noyau dur, hein, ils sont 4. C'est 4 le relais mixte, je crois. Ou 3, je sais plus maintenant, j'ai un doute. En plus, ils viennent de refaire champion du monde. Mais ouais, en gros, il y a 4 athlètes, et après, il y a toute une réserve autour d'une dizaine d'athlètes qui gravitent autour. Et comment se passent les courses officielles internationales? Est-ce que tu as un départ en masse ou tu as un départ en plusieurs vagues ou c'est en contre-la-montre Alors, depuis l'an dernier, il y a un départ commun pour les catégories PTS 2, ça c'est ma catégorie, PTS 3, PTS 4, donc les trois catégories là partent ensemble. Ensuite, il y a un départ PTS 5, ça c'est vraiment c'est les athlètes les plus rapides. Et ensuite, il y a un départ pour les déficients visuels, et ensuite, il y a un départ pour les fauteuils. Donc, c'est quand même plusieurs départs. Avec à chaque fois 12 athlètes par catégorie au départ, sauf pour les déficients visuels où ils sont 12 x 2 parce qu'ils ont tous un guide, et par sexe. Et ensuite, les catégories 2, 3 et 4, là nous on part à 3 x 12 en fait hein, par sexe, donc 36 chez les hommes et 36 chez les femmes. Et comment se passent les transitions? Parce qu'en fait, donc dans toutes les, donc il y a plusieurs catégories, donc il y a des personnes qui ont une prothèse de jambe, d'autres de bras, d'autres qui sont aveugles. Ça fait partie du spectacle, c'est pour ça, venez voir du paratriathlon, c'est vraiment marrant. Non, mais c'est vrai que des fois il y a des petits gags qui arrivent hein. L'autre qui se trompe de prothèse, c'est déjà arrivé, qui veut partir mettre la prothèse du voisin alors que c'est pas du tout la sienne, il rentre pas dedans, il la repose, enfin voilà, des trucs comme ça. Mais c'est rigolo comme ça à dire, mais en fait t'as raison de le souligner, c'est que on est beaucoup d'handicaps différents. Et quand il y a des fauteuils qui passent dans l'allée du parc à vélo, il y a un autre qui court avec une prothèse à côté pour aller jusqu'à son vélo, c'est sûr que c'est assez folklorique et que, ça se passe comme ça. C'est tout de même assez bien orchestré parce que l'ITU fait ça bien et que tous les départs sont calculés avec les temps de course et tout pour qu'en fait, on se rencontre pas trop quoi, entre catégories. Parce que pour par exemple pour une sortie de l'eau, on va dire par exemple en Normandie où le niveau d'eau il est le niveau d'eau jusqu'au genou sur 200 mètres, voilà, là ça devient compliqué quoi. Alors nous en tant qu'amputés on se fait aider hein, de la même manière que les fauteuils par des, on appelle ça des handlers bénévoles qui sont à la sortie d'eau et qui t'aident juste à sortir de l'eau jusqu'à la pré-transition sur la plage par exemple, si on parle d'une sortie d'eau en mer, où tu as ta prothèse sur une chaise, et voilà, là tu mets ta prothèse et tu peux courir jusqu'à ton vélo, jusqu'au parc à vélo. Ou alors les gens en fauteuil prennent leur fauteuil à ce moment-là et vont avec leur fauteuil de vie quotidienne, ils vont jusqu'au vélo, jusqu'à leur vélo, voilà, et puis ça se fait comme ça. Et peux-tu m'éclairer un peu hein, parce qu'en fait, je suis un mec qui n'a jamais gagné de course. Et je pense que mon sacre n'est pas pour tout de suite. Peux-tu me dire ce que tu ressens lorsque tu es en tête des championnats du monde et comment as-tu gagné cette course? J'ai gagné cette course parce que je suis sorti premier de ma catégorie de l'eau et que je me suis jamais retourné pour voir où ils étaient les autres. J'ai fait une course à bloc de bout en bout. En espérant juste qu'ils reviennent pas sur moi, parce que j'étais pas favori et j'étais pas forcément censé gagner, mais ça a marché parce qu'en fait je me suis jamais retourné et j'ai fait un effort à bloc de bout en bout et voilà. Mais qu'est-ce que tu ressens? T'es super content et surtout hyper heureux d'être là à ce moment-là. Et t'es en confiance à 100% quoi. En confiance et en gestion aussi pour éviter... Non, mais pas forcément en confiance. Juste si tu te sens bien et que c'est ton jour, que tu sais que de toute façon, t'es au maximum de tes possibilités, tu sais ce que c'est, hein, le sport. Si t'es dans un bon jour, de toute façon, tu sais que tu pourras pas faire mieux qu'aujourd'hui. Et donc, tu donnes ce que t'as. Et après, derrière, si jamais ça revient, ça revient. Et sinon, tant mieux, mais... En fait, faut juste savourer le moment et savoir en profiter un petit peu. Mais c'est vrai que c'était assez sympa comme sensation, ouais. Et sinon, sur les autres en Coupe du Monde, généralement, c'est chaque course est différente. Est-ce que, ou ça, par exemple, c'est vrai que là, sur le triathlon olympique, en valide, bah, en fait, ils font tout les uns derrière les autres et ils règlent le problème sur, à pied, quoi. Souvent, c'est vrai que c'est souvent ça. Sauf sur des courses comme Lausanne par exemple, le parcours vélo est en ville, était en ville. Donc là, avec des bosses, je sais pas si tu vois Lausanne commencer, mais c'est que des montées-descentes. Là, il y avait une Coupe du Monde élite à Karlovy Vary en République tchèque. C'est pareil, c'est en ville, en centre-ville, ou la World Cup de Madrid aussi, très sélective à vélo. En fait, de temps en temps, ils font quand même des parcours vélo difficiles et sélectifs. Et là, la course, elle se joue plus trop à pied, mais elle se joue sur la partie vélo, en fait, parce que tu gagnes pas forcément sur la partie vélo, mais tu peux perdre si t'es pas au niveau, quoi. Et en paratriathlon, dans tous les cas, on est sur un format sans drafting. Donc, de toute façon, on n'a pas le droit de prendre les roues des uns et des autres. Donc, c'est pas des courses en paquet. C'est des courses individuelles en contre-la-montre individuelle à plusieurs, mais on n'a pas. Donc c'est celui-là qui. C'est au train, quoi. Ouais, c'est ça. C'est vraiment des accélérations. Ouais, c'est au train, il n'y a pas de gros changements de rythme comme sur des courses en peloton, en triathlon olympique, quoi. Ouais, où il y a des attaques comme au Tour de France. Voilà. En fait, en cyclisme, sur la partie vélo, évidemment, ça fonctionne pareil. Mais nous, c'est vraiment, en paratri, c'est vraiment du contre-la-montre. Donc c'est un effort plutôt de gestion et un effort individuel de gestion, quoi. Même si bah, les concurrents sont autour de toi, hein, mais voilà. Et quelle stratégie en fait d'entraînement as-tu appliqué pour devenir performant, donc de passer à juste finisher à Aubernais au champion de France, quoi, au titre de champion de France. CF Jean-Claude Gast. C'est lui qui connaît les réponses. Se référer. Quelle stratégie, ben, écoute. Est-ce que tu as comment est-ce que tu as travaillé tes points faibles tout en conservant tes points forts et finalement en augmentant le tout finalement maintenant? Ouais, alors il y avait une première stratégie, c'était vraiment de progresser à vélo parce que faire du vélo, bah déjà ça faisait longtemps que j'avais plus vraiment fait de sport de manière intensive depuis l'accident. Et donc c'était vraiment de se réathlétiser et après de progresser à vélo. Parce que la natation, ça va, j'ai toujours eu un niveau. Je nageais à Valence, donc j'avais continué à nager quand même. 3-4 fois semaine, 4-5 fois des fois. Donc tu vois, en natation, c'était pas trop un problème, mais c'était vraiment le vélo, parce que pédaler à une jambe, c'est un tout autre effort et faut apprendre à pédaler à une jambe, en fait. Et ça, c'était un des axes. Et ensuite, maîtriser la prothèse de course à pied, ça, c'était un gros axe aussi de progression. Et quels sont un peu tes objectifs, là pour, donc, t'as une belle progression depuis 2017. Donc, t'as fait une médaille d'argent aux France en 2017. En 2018, tu finis 4e au championnat d'Europe. Et 2019, tu gagnes presque tout. Et bah c'est cool, quoi. Et en 2020, là, tu viens de gagner les championnats de France. C'est quoi le programme pour la suite? Alors bah là, tout bientôt, je vais participer au championnat de France de paracyclisme. Donc là, c'est vraiment l'école de cyclisme française de la FFC en para. Avec les meilleurs spécialistes et je veux m'aligner sur le contre-la-montre individuel parce que c'est plus ce qui me correspond par rapport à la course en ligne, voilà, qui est pas trop de mon domaine. Et ça, c'était dans 15 jours, donc c'est un objectif quand même. Et ensuite, la semaine d'après, il y a une petite manche de Coupe du Monde au Portugal qui sera pas sélective pour le ranking paralympique parce qu'ils ont tout gelé jusqu'à la fin de l'année, c'est gelé. Mais voilà, ce sera les deux petits trucs de la saison encore. Et j'ai pas vu d'objectif pour Tokyo 2021. Et pourquoi? Alors Tokyo 2021, bah, si, c'est un objectif quand même, mais déjà on sait pas si ça aura lieu. Ensuite, ça restera quand même le gros axe de préparation l'année prochaine. Jusqu'au dernier moment, jusqu'à qu'on sache si oui ou non. Mais dans tous les cas, moi, je concours pas dans ma catégorie à Tokyo 2021 parce que y a deux catégories qui ont été exclues pour cette Olympiade. La mienne et les PTS3. PTS2 et PTS3, donc. Alors, on aura l'opportunité de se qualifier en catégorie 4. Donc, pour moi, c'est deux catégories au-dessus. Donc, ça devient compliqué, mais c'est jouable quand même d'aller chercher peut-être une qualification et un dossard. Une PTS4, c'est avec des personnes qui ont des handicaps modérés, quoi. Ouais, c'est ça. C'est amputation sous le genou, par exemple. Donc, le pied qui manque. Ou des choses comme ça. Donc, c'est. Ouais, c'est moindre par rapport à ce que j'ai. Et justement, parce que j'ai regardé le documentaire Rising Phoenix sur Netflix, qui est vraiment super bien, et qui a pour sujet justement les Jeux paralympiques, et j'ai trouvé ça dingue, quoi, parce que la démesure et le faste de l'événement, c'est des athlètes tout simplement qui s'entraînent dans l'ombre, et loin des regards du public, et qui doivent performer dans des conditions complètement folles à Londres et Rio, où par exemple en athlétisme, ils sont en train de s'entraîner dans la piste d'entraînement sous le stade, et ils entendent le public hurler, alors que c'est des personnes qui n'ont pas l'habitude du tout, quoi. Ouais, bah c'est sûr que nous en paratri, par exemple, tu vois, les courses, c'est à 7h ou 8h le matin. C'est en même temps que pour chercher les petits pains, quoi. Donc en fait, il n'y a personne, quoi. Et ouais, c'est vrai qu'on est souvent dans l'ombre. Après, moi j'ai pas encore participé à une compétition d'une telle ampleur, donc je peux pas te dire, mais c'est sûr que ça doit être. Ça doit faire bizarre. C'est vrai que, par exemple, en canoë, c'était vraiment. En fait, il y avait rien qui. Il y avait que les jeux qui comptaient, quoi. C'est tous les 4 ans, et c'est. Ouais, tu vois, voilà. Et il y a les championnats de chaque année, mais les Jeux Olympiques, ils sont tellement au-dessus, quoi. Ouais, c'est ça. En fait, dans les sports confidentiels, donc ce que j'appelle confidentiel, c'est par exemple le canoë, le triathlon, l'athlétisme. Tout ce qui sort en fait du foot, du hand, du basket et du tennis, c'est vrai que c'est les jeux en fait. Il y a rien d'autre qui compte. Même Vincent Louis disait, je rends tous mes titres de champion du monde, et de champion d'Europe et de champion de France pour une médaille aux jeux. Donc c'est vrai que c'est fou quand même l'écart qu'il y a de considération entre les jeux et les autres compètes, quoi. Après, c'est un événement qui est vraiment qui est dingue. Moi, à la limite, je n'irai même pas. Enfin, je pense que je serai à Paris en 2024 pour regarder. Ouais, ouais, c'est sûr. Parce que ça va être un truc à regarder vraiment. Mais c'est bon. Je pense qu'au niveau de l'organisation, faut pas trop regarder comment c'est fait, parce que sinon, je pense qu'il y a moyen d'être irrité. Mais vraiment dans la participation. C'est comme la Picadelle, hein. Tout le monde aime ça, mais personne sait ce qu'il y a dedans. Non, mais c'est ça. Voilà, les jeux, c'est ça. Tout le monde aime ça, mais personne sait ce qu'il y a dedans. Faut pas trop regarder derrière, quoi. Voilà. Donc, écoute, Jules, je te remercie d'avoir accepté mon invitation. Parce que je regardais un peu toutes tes interviews qui avaient été faites, et je me disais, mais en 3-4 minutes, mais il y a tellement de choses, d'autres choses à dire, d'autres choses à raconter, que juste je cours et je fais du vélo. Et voilà, ça me permet un peu d'avoir une discussion et de reprendre aussi contact, parce que ça fait un moment. Et, ouais, c'est chouette. C'est vrai, c'est cool. Merci, Knack. Je ne veux pas dire comment tu t'appelles vraiment, parce que peut-être que tu ne veux pas que les gens sachent. Merci, Knack, d'être venu me voir et d'avoir repris contact. C'est vrai que c'est cool. Et comment est-ce qu'on peut te suivre un peu pour savoir ce que tu fais en ce moment et les prochaines courses ? Alors, tous les gens qui ont envie de me suivre, il faut vraiment qu'ils le fassent, parce que c'est aussi grâce à ça qu'on arrive à trouver des sponsors et des mécènes. Ou, voilà. C'est dans les sports confidentiels dont on parlait tout à l'heure, c'est ça qui fait aujourd'hui qu'un athlète peut réussir à s'en sortir. C'est les gens qui suivent, qui suivent les comptes Instagram, les comptes Facebook. Donc moi, c'est Instagram et Facebook, et puis après Twitter, mais j'y vais pas trop. Ça sert à rien d'aller voir ce que je mets. Ouais, c'est Facebook, Jules Ripstein, Instagram, voilà. Ok, et t'as un profil Strava ou pas? Non. Non, j'ai pas ça parce que déjà, c'est trop technique pour moi, là, tout ça. Et moi, j'ai mon Garmin sur lequel je fais mes plans d'entraînement, où je, rentre mes données, tout ça. Mais ça concerne que moi et je mets rien sur Strava, tout ça. Ok, ouais. Parce que je vais regarder. Ouais. J'avais pas trouvé. Oui, mais j'en ai un. Non, j'ai jamais commencé ça et en fait, j'ai pas envie de me lancer dedans. Ça, c'est encore un truc en plus. Et... Non. Bon, ça me permet d'avoir des données. On va dire, tu vois, moi, j'ai pas vraiment de course. De toute façon, les courses, je suis derrière, tu vois. Donc, c'est pas les classements qui comptent, tu vois. Non, mais moi, je fais ça, mais sur Garmin. Enfin, c'est oui, ouais. Que j'ai Garmin Connect, en fait. C'est la même chose. Je sais pas si c'est la même chose, mais personne peut voir ce que je mets sur Garmin parce que c'est que moi, je crois. Oui, c'est ça. Ouais, ouais, voilà. Donc, ouais, moi je travaille là-dessus. Ok, ben moi on me retrouve principalement sur Twitter, sur knackenvrac, @knackenvrac, ou sinon par mail knackenvrac.lepodcast@gmail.com. Et si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas, hein, faites en profiter votre entourage. Le bouche à oreille est tout simplement le meilleur moyen de faire connaître un podcast. Et je pense qu'on va bientôt conclure. Est-ce que tu as un mot pour la fin? Manger des knacks et avec de la moutarde. Allez, ciao, à bientôt.